Le Robinson Suisse par Johann David Wyss. Après 10 jours d'une tempête effroyable, le narrateur, sa femme et leurs 4 fils voient leur navire s'écraser contre des rochers au large d'une île inconnue et assez inhospitalière à première vue. Les autres passagers qui ont tenté de se sauver en chaloupe sont introuvables. Isolés à bord du navire échoué, qui menace à tout moment de se rompre et de s'enfoncer sous les eaux, la famille a construit un radeau avec des tonneaux sciés en deux et des planches. Elle a rassemblé tout ce qui lui semblait être utile à sa survie et elle s'apprête à tenter de rejoindre le rivage à bord de son embarcation de fortune. 1. La traversée. La marée avait atteint la moitié de sa hauteur quand nous quittâmes le navire, mais il nous fut plus utile que défavorable. Quand les chiens nous virent quitter le bâtiment, ils se jetèrent à la nage pour nous suivre, car nous n'avions pu les prendre avec nous à cause de leur grosseur. Turc était un dogue anglais de première force et Bill une chienne danoise de même taille. Je craignis d'abord que le trajet ne fût trop long pour eux. Mais en les laissant appuyer leurs pattes sur les balanciers destinés à maintenir le bateau en équilibre, ils firent si bien qu'ils touchèrent terre avant nous. Notre voyage fut heureux et nous arrivâmes bientôt à portée de voir la terre. Son premier aspect était peu attrayant. Les rochers escarpés et nus qui bordaient la rivière nous présageaient la misère et le besoin. La mer était calme et se brisait paisiblement le long de la côte. Le ciel était pur et brillant. Autour de nous flottaient des poutres, des cages venant du navire. Fritz me demanda la permission de saisir quelques-uns de ces débris. Il arrêta 2 tonnes qui flottaient près de lui et nous les attachâmes à notre arrière. À mesure que nous approchions, la côte perdait son aspect sauvage. Les yeux de faucon de Fritz y découvraient même des arbres qu'il assura être des palmiers. Comme je regrettais beaucoup de n'avoir pas pris la longue vue du capitaine, Jack tira de sa poche une petite lunette qu'il avait trouvée et qui me donna le moyen d'examiner la côte afin de choisir une place propre à notre débarquement. Tandis que j'étais tout entier à cette occupation, nous entrâmes, sans nous en apercevoir, dans un courant qui nous entraîna rapidement vers la plage à l'embouchure d'un petit ruisseau. Je choisis une place où les bords n'étaient pas plus élevés que nos cuves et où l'eau pouvait cependant les maintenir à flot. C'était une plaine en forme de triangle dont le sommet se perdait dans les rochers et dont la base était formée par la rive. Tout ce qui pouvait sauter fut à terre en un clin d'œil. Le petit frère seul eut besoin du secours de sa mère. Les chiens qui nous avaient précédés accoururent à nous et nous accablèrent de caresses en nous témoignant leur reconnaissance par de longs aboiements. Les oies et les canards, qui barbotaient déjà dans la baie où nous avions abordé, faisaient retentir les airs de leurs cris et leurs voix, mêlées à celles des pingouins, des flamands et des autres habitants de ce lieu que notre arrivée avait effrayé, produisaient une cacophonie inexprimable. Néanmoins, j'écoute avec plaisir cette musique étrange, en pensant que ces infortunés musiciens pourraient au besoin fournir à notre subsistance sur cette terre déserte. Notre premier soin en abordant fut de remercier Dieu à genoux de nous y avoir conduits sains et saufs. Nous nous occupâmes ensuite de construire une tente à l'aide de pieux plantés en terre et du morceau de voile que nous avions apporté. Cette construction, bordée comme défense des caisses qui contenaient nos provisions, était adossée à un rocher. Puis je recommandai à mes fils de réunir le plus de mousse et d'herbes sèches qu'ils pourraient trouver, afin que nous ne fussions pas obligés de coucher sur la terre nue, pendant que je construisais un foyer près de là avec des pierres plates que me fournit le ruisseau peu éloigné. Et je vis bientôt s'élever vers le ciel une flamme brillante. Ma femme, aidée de son petit Franz, posa dessus une marmite pleine d'eau dans laquelle elle avait mis quelques tablettes de bouillon et préparait ainsi notre repas. Franz avait d'abord pris ses tablettes pour de la colle et en avait fait naïvement l'observation. Mais sa mère le détrompa bientôt et lui apprit que ces tablettes provenaient de viande réduite en gelée à force de cuisson et qu'on emportait ainsi dans les voyages au long cours afin d'avoir toujours du bouillon qu'on aurait pu se procurer avec de la viande salée. Cependant, la mousse recueillie, Fritz avait chargé un fusil et s'était éloigné en suivant le ruisseau. Ernest était dirigé vers la mer et Jack vers les rochers de la gauche pour y recueillir des moules. Quant à moi, je m'efforçais d'amener à terre les 2 tonneaux que nous avions harponnés dans la traversée. Tandis que j'employais inutilement toutes mes forces à ce travail, j'entendis soudain Jack pousser un grand cri. Je saisis une hache et courus aussitôt à son secours. En arrivant près de lui, je vis qu'il était dans l'eau jusqu'à mi-jambe et qu'il essayait de se débarrasser d'un gros homard qui avait saisi ses jambes avec ses pinces. Je sautai dans l'eau à mon tour. L'animal, effrayé, voulut s'enfuir, mais ce n'était pas mon compte. D'un coup de revers de mâche, je l'étourdis et je le jetai sur le rivage. Jack, tout glorieux de cette capture, s'empressa aussitôt de s'en emparer pour la porter à sa mère. Mais l'animal, qui n'était qu'étourdi, en se sentant saisir, lui donna un si terrible coup de queue dans le visage que le pauvre enfant le rejeta bien vite et se mit à pleurer. Tandis que je riais beaucoup de sa petite mésaventure, le bambin furieux ramassa une grosse pierre et, la lançant de toutes ses forces contre l'animal, lui écrasa la tête. Je reprochai mon fils de tuer ainsi un ennemi à terre et je lui représentai que s'il eût été plus prudent et n'eût pas tenu la tête si près de son nez, cela ne lui serait point arrivé. Jack, confus et pour éviter mes reproches, ramassa de nouveau le homard et se mit à courir vers sa mère en criant. « Maman, un crabe! Ernest, un crabe! Où est Fritz? Prends garde, Franz, sa mort !» Tous mes enfants se rassemblèrent autour de lui et regardèrent avec étonnement la grosseur de cet animal en écoutant les fanfaronnades de Jack. Quant à moi, je retournai à l'occupation qu'il m'avait fait quitter. Quand je revins, je félicitai mon fils de ce que le premier il avait fait une découverte qui pouvait nous être utile, et pour le récompenser, je lui abandonnai une patte tout entière du homard. « Oh ! » s'écria alors Ernest, « j'ai bien découvert aussi quelque chose de bon à manger, mais je ne l'ai pas porté parce qu'il aurait fallu me mouiller pour le prendre. « Oh ! Je sais ce que c'est !» dit dédaigneusement Jack. « Ce sont des moules dont je ne voudrais pas seulement manger. J'aime bien mieux mon homard. » « Ce sont plutôt des huîtres, » répondit Ernest, « si j'en juge par le degré de profondeur où elles se trouvent. »« Eh bien donc, » m'écriai-je alors, « monsieur le philosophe, allez nous en chercher un plat pour notre dîner. Dans notre position, il ne faut reculer devant rien de ce qui est utile. Ne vois-tu pas d'ailleurs, » continuai-je d'un ton plus doux, « que le soleil nous a bientôt séchés, ton frère et moi. »« Je rapporterai aussi du sel, » reprit Ernest en se levant. Car je l'ai découvert dans les fentes des rochers. Ce sont sans doute les eaux de la mer qui l'ont déposé là, n'est-ce pas, mon père ? Éternel raisonneur, lui répondis-je, tu devrais nous en avoir déjà donné un plein sac, au lieu de t'amuser à disserter sur son origine. Hâte-toi donc, si tu ne veux pas que nous mangeons une soupe fade et sans goût. Ernest ne tarda pas à revenir, mais le sel qu'il apportait était mêlé de terre, et nous allions le jeter, lorsque ma femme eut l'idée de le faire fondre dans l'eau et de passer cette eau dans un linge avant de la mêler dans la soupe. Tandis que j'expliquais à notre étourdi de Jack, qui m'avait demandé pourquoi nous n'avions pas pris simplement de l'eau de mer, que cette eau n'aurait pu nous servir parce qu'elle contient d'autres matières d'un goût désagréable, ma femme acheva la soupe et nous annonça qu'elle était bonne à manger. « Un moment, lui dis-je, nous attendons Fritz. Et d'ailleurs, comment nous y prendre pour la manger ?» Tu ne veux sans doute pas que nous portions tour à tour à notre bouche ce chaudron lourd et brûlant. Si nous avions des noix de coco, dit Ernest, nous les couperions en deux et nous en ferions des cuillères. Si nous avions de magnifiques couverts d'argent, répliquai-je, cela vaudrait bien mieux. Mais au moins, reprit-il, nous pourrions nous servir de coquillages. Bonne idée, m'écriai-je, mais ma foi, nos doigts pourraient bien tremper dans la soupe car nos cuillères n'auront pas de manches. Va donc nous en chercher. Jack se leva en même temps et se mit à courir. Il était déjà dans l'eau, bien avant que son frère fût arrivé au rivage. Il détacha une grande quantité d'huîtres et les jeta à Ernest, qui les enveloppa dans son mouchoir, tout en ramassant un grand coquillage, qu'il mit avec soin dans sa poche. Tandis qu'il revenait, nous entendîmes la voix de Fritz dans le lointain. Nous y répondîmes avec de joyeuses acclamations, et je me sentis soulagé d'un grand poids, car son absence nous avait fort inquiétés.